Hallelujah. What does it mean when the Lord began to speak with me about the wedding of the Lamb of God? Qu'est-ce que ça signifie quand le Seigneur a commencé à parler avec moi à propos des noces de l'agneau de Dieu? And I can trace back the conversations from 11th of November the year 2003. Et je peux retourner aux conversations du 11 novembre 2003. When he was pursuing me to talk to me about this mighty wedding of the Lamb, so I may come and serve him. Quand il me persuadait, il me parlait des noces de l'agneau, et comme ça je peux le servir. And at that time, I did not understand the calling. Et en ce temps, je n'ai pas compris l'appel. And that was the voice that was saying, et c'était la voix qui était en train de dire, God tell the four ends of the earth to repent and prepare the way of the Lord. You see that? Va aux quatre coins du monde de se repentir et de préparer le chemin du Seigneur. And I did not understand. Et je n'avais pas compris. And then it came down to, because it was difficult at that time to perceive the gravity, even the depth of what that means. Il s'agissait de, parce que c'était difficile de, en ce moment, de réaliser la gravité, même la profondeur de ce que ça signifie. And then the 2nd of April. Et ensuite, le 2 avril. The year 2004. De l'année 2004. When finally, in that mighty visitation of the Lord. Quand finalement, dans cette puissante visitation du Seigneur. The Lord finally presented John the Baptist on my right hand side. Quand le Seigneur m'a présenté Jean-Baptiste dans mon côté droite. And John the Baptist began to speak with me. Et Jean-Baptiste a commencé à parler avec moi. About the wedding of the Lamb of God. À propos des noces de l'agneau de Dieu. About the coming of the glorious Lamb of God. À propos de la venue du glorieux agneau de Dieu. What does that mean to the church? Qu'est-ce que ça signifie pour l'église? And then. Et ensuite. And then the 17th, by the way, 17th of March. Et ensuite, le 17 mars. The year 2004. De l'année 2004. The first time in a mighty vision showed me how he is coming to rapture the church. La première fois dans une puissante vision, il m'a montré comment il vient pour enlever l'église. The day the Lord walked for me across the sky. Le jour où le Seigneur a marché pour moi à travers le ciel. And every footprint he left was glorious, glorious across the sky. I could see everywhere he walked. Et chaque marque de ses pas était glorieuse, glorieuse à travers le ciel. Je pouvais voir partout où il marchait. In that mighty visitation. Cette puissante visitation. And then he showed me how the rapture would take place. Et il m'a montré comment l'enlèvement va avoir lieu. How he would rapture their sleep in the dust of the earth. Comment il enlèverait ceux qui dorment dans la poussière de la terre. And also how he would rapture the holy living Christians. You see that? Et aussi comment il enlèverait les saints chrétiens vivants. After that. Après cela. I am jumping into the 1st of November the year 2006. Je saute au 1er novembre 2006. When he presented the wedding rings in the sky. Quand il a présenté les anneaux de noces dans le ciel. Now, talking about the wedding of the Lamb of God. Maintenant, parlons à propos des noces de l'agneau de Dieu. Two wedding rings, one for Christ, the Messiah, and the other for the church. Deux anneaux de noces, un pour Christ, le Messie, et l'autre pour l'Église. And then, et ensuite, come now the 26th of November 2006. Vient maintenant le 26 novembre 2006. At Kehancha, when we had this by national repentance at Sirare, Tanzania, and also Kehancha. À Kehancha, quand nous avons eu cette repentance binationale à Sirare, Tanzanie, et aussi à Kehancha, et près de la frontière entre le Kenya et la Tanzanie. Donc c'était une repentance pour le Kenya et la Tanzanie. Then he speaks with me. Ensuite, il a parlé avec moi. How they are asleep in the dust of the earth. Comment les morts qui dorment dans la poussière de la terre. Those who are dead Christians, holy dead. Ceux qui sont morts chrétiens, les morts qui sont saints. The righteous people who died when they were righteous. Les gens justes qui sont morts en étant justes. They had repented. Qui se sont repentis. How they will be raptured and caught up in the wedding of the Lamb. Comment ils vont être enlevés et participer aux noces de l'agneau. And then, et ensuite, after that, the 3rd of May, I'm just mentioning the main conversations that God has been speaking. Et ensuite, le 3 mai, Je veux juste mentionner la conversation de mai que Dieu a dite. The 3rd of May, the clock of God in the sky. Le 3 mai, la pendule de Dieu dans le ciel. When he finally lowered down the clock of the Lord. Quand il a finalement descendu la pendule du Seigneur. The clock that is 1 minute to midnight. La pendule qui marquait 1 minute avant minuit. You see that? 11:59 p.m. Vous voyez ça? 11h59 du soir. And then finally. Et ensuite, finalement. November. November 20th, the year 2007. Le 20 novembre de l'année 2007. When he showed me the house of the Lord. Quand il m'a montré la maison du Seigneur. The dome, the golden dome in that vision. Le dôme en or dans cette vision. And then the scaffold metal. Et ensuite le métal qui reste. And the roof of the church. Et le toit de l'église. But the dome was sitting on top of the church. Mais le dôme était placé au-dessus de l'église. And then, et ensuite, the glory of the Lord came from heaven, la gloire du Seigneur est venue du ciel and settled on the dome, et s'est placée sur le dôme but did not enter the church. Et, mais n'est pas entrée dans l'église. And then the voice of the Lord brought me very close, et la voix du Seigneur m'a amené très proche face to face with the door to the house of the Lord, face à face de la porte de la maison du Seigneur which was closed, qui était fermé. And the voice of the Lord said, et la voix du Seigneur dit, let us enter into the house of the Lord, and the doors open, the double arched door open. Entrons dans la maison du Seigneur, et la porte est ouverte, les deux portes sont ouvertes. And when I entered there, et quand je suis entré là, I saw a lot of almost multi-millions of chairs. I could not see where they ended. J'ai vu beaucoup, presque plusieurs millions de chaises, et je n'en pouvais pas voir la fin. They were black. Elles étaient noires. And then grass began to grow in the church. Et ensuite, de l'herbe a commencé à croître dans l'église. And the voice of the Lord said, they used to worship here, but not anymore. Et la voix du Seigneur dit, ils avaient l'habitude d'adorer ici, mais plus maintenant. After that, après cela, April 8th, le 8 avril, when finally he interpreted that vision, quand finalement il a interprété cette vision, but in between, mais entre deux, March 26th, le 26 mars 2008, before April 8th, avant le 8 avril, he now shows me the temple of the Lord in heaven. Vous savez, il m'a montré le temple du Seigneur dans les cieux. The temple of God Almighty in heaven. Le temple du Dieu Tout-Puissant dans les cieux. So, how does that relate to the door to rapture? Alors, en quoi cela est-il en rapport avec la porte de l'enlèvement? Alléluia. Alléluia. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, précieux peuple. When the Lord, quand le Seigneur, engaged the church in all these conversations, a engagé l'église dans toute cette conversation, there is one very important thing. Il y a une chose très importante. That remained common. You can call it a common denominator. Qui reste un dénominateur commun. In all these conversations. Dans toutes ces conversations. And that is. Et cela est. In every visitation. Dans chaque visitation. In every single vision the Lord was speaking to me about these issues. Dans chaque vision que le Seigneur me disait à propos de ces issues. It began by. Ça commençait par. Heaven. Open. Les cieux qui sont ouverts. You see that? Vous voyez ça? The door to heaven opened into the sky. La porte des cieux ouverte dans le ciel. Before the rings were brought down. Avant que les anneaux soient amenés en bas. Into the sky. Dans le ciel. Heaven opened. Le ciel s'est ouvert. Before the clock was lowered, heaven opened. Avant que la pendule soit montrée, le ciel s'est ouvert. Before the glory came and settled on the dome, heaven opened. Avant que la gloire vienne et se mette sur le dôme, le ciel s'est ouvert. Before the temple of God was unveiled, heaven opened. Avant que le temple de Dieu soit dévoilé, les cieux se sont ouverts. You see that? Vous voyez ça? And so, et alors, the Lord has been using that to speak to the church. Le Seigneur a utilisé cela pour parler à l'église. He has been telling the church. Il a dit à l'église. How come you can't see? Comment est-ce possible que tu ne vois pas? That I have opened the door. que j'ai ouvert la porte. Alléluia. Alléluia. I have opened the door. J'ai ouvert la porte. The door is open. La porte est ouverte. And when the door is open. Et quand la porte est ouverte. That means he's telling the church. Ça signifie qu'il dit à l'église. To get herself ready and enter. Prépare-toi et entre. Alléluia. Alléluia. You cannot wait. Tu ne peux pas attendre. You will not be able to wait for the day of the rapture. Tu ne seras pas en mesure d'attendre pour le jour de l'enlèvement. Because on that day he essentially he closes the door. Parce que à ce jour-là, il va fermer la porte. You understand? Vous comprenez? The door will be closed. La porte sera fermée. That is the most important thing you need to understand. C'est la chose la plus importante que vous avez besoin de comprendre. If you are waiting for the rapture, you will miss the rapture. Si vous attendez pour l'enlèvement, vous allez le manquer. Don't wait for rapture. N'attendez pas avant l'enlèvement. Make sure you get yourself ready. Soyez sûr que vous vous êtes préparé. And enter. Et que vous soyez entré. Look at the five wise virgins. Regardez les cinq vierges sages. They lit their lamps here. Elles ont allumé leurs lampes ici. And when the door was open, they entered with the same lamps in. Et quand la porte était ouverte, elles sont entrées avec les mêmes lampes. Alléluia. Alléluia. And so God is talking about the need for the church to trim their lamps, okay? Alors le Seigneur est en train de parler à l'église de préparer leurs lampes, d'accord? And get ready and enter through that door. Et soyez prêts et entrez à travers cette porte. But listen to this. I want to start somewhere. The book of Matthew. Alors écoutez ça. Je vais commencer quelque part. L'Évangile de Matthieu. Matthew 24, and I want to go a little bit deeper, but as the Lord will help me, okay? Matthieu 24, et je désire aller un peu plus profondément, et comme le Seigneur va m'aider. Because we don't know the day, we don't know the hour. Parce que nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. But we understand the message. The message says time is out, right? Mais nous comprenons le message. Le message dit, le temps est fini. Yes, so Matthew 24. Alors, Matthieu 24. I want to read only a few verses. Je désire lire seulement quelques versets. We can begin from verse 4. On peut commencer au verset 4. Up to verse 9. Jusqu'au verset 9. And this is what he says. C'est ce qu'il dit. He says, Jesus answered, "Watch out that no one deceives you, for many will come in my name, claiming I am the Christ." You see that? Il dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. And will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Nation will rise against nation, kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Verse 8, you want to pay special attention to that. Verset 8, vous devez porter une attention spéciale à ceci. He says, all these are the beginning of birth pain. Il dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Do you hear me, somebody? Vous m'écoutez? Alléluia. Alléluia. The earthquakes. Des tremblements de terre. These are the beginning of birth pains. Verse 8. Tout cela ne sera que commencement des douleurs. Dans le verset 8. And you can sense, you can look there and see the urgency with which God is operating right now. Et vous pouvez sentir, vous pouvez voir l'urgence avec laquelle le Seigneur est en train d'opérer juste maintenant. He's operating very urgently. Il opère très urgemment. Which means his time frame is limited. You see that? Ce qui signifie que son temps est limité. Vous voyez ça? He said, these are the beginning of birth pains. You see that? Il a dit, c'est le commencement des douleurs de l'enfantement. Because his disciples had asked him. Parce que ses disciples lui ont demandé. Lord. Seigneur. When will the end come? How will we know that the end is coming? Quand est-ce que la fin va arriver? Comment est-ce qu'on saura que la fin va venir? How will we know that your return is near? Comment saurons-nous que ton retour est prêt? And he mentioned these things. Et il a mentionné ces choses. And said, these are the beginning of birth pains, you know? Il a dit, ça, c'est les commencements des douleurs de l'enfantement. Remember the beginning of birth pains. Souvenez-vous, le commencement des douleurs de l'enfantement. And then, verse 9, he says. Et ensuite, le verset 9, il dit. Matthew 24, verse 9, he says. Matthieu 24, verset 9, il dit. After the beginning of birth pains, he says. Then you will be handed over to be persecuted and put to death. Après le commencement des douleurs, il dit, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Alléluia. Alléluia. How do you jump from the beginning of birth pains? Comment vous sautez du début des douleurs de l'enfantement? And then now he's talking about then you will be handed over to be persecuted and put to death. Et maintenant, il parle à propos on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. That means, ça signifie between verse 8 of Matthew 24, entre le verset 8 de Matthieu 24 and verse 9 of Matthew 24, et le verset 9 de Matthieu 24 is hidden there. Il cache l'enlèvement. That is what is hidden there. C'est ce qu'il cache ici. Again, between Matthew 24 verse 8, the beginning of birth pains. Entre Matthieu 24, verset 8, et le commencement des douleurs de l'enfantement. And then finally, he has just thrown them into the birth pain. Et ensuite, finalement, il les a juste jetés dans les douleurs de l'enfantement. Something has happened there. Quelque chose est arrivé ici. The birth pain is the tribulation. Les douleurs de l'enfantement, c'est les tribulations. And that's why when you look back at Revelation chapter 16 verse 15. Et c'est pourquoi quand vous regardez en arrière à Apocalypse chapitre 16 verset 15. It says, behold I come like a thief. Il dit, voici je viens comme un voleur. Like a thief, secretive, you know? Comme un voleur, secrètement. And blessed is he who stays awake. Et bénissé soit celui qui reste éveillé. And keeps his clothes with himself. Et qui garde ses vêtements avec lui. That he may not go naked and be shamefully exposed. You see that? Afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Vous voyez ça? There is something secret about his coming on the rapture. Il y a quelque chose de secret dans sa venue pour l'enlèvement. And that is the door to the rapture. Et ça c'est la porte de l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. And he says here. Et il dit ici. That many will come and claim I am the Christ. Que beaucoup veulent venir et dire je suis le Christ. Deceive, you understand? Décevoir, vous comprenez? And then he goes down there and says. Et ensuite il va plus loin et il dit. Be careful, make sure you are not deceived. Attention, soyez sûr que vous ne soyez pas trompés. Which means deception would be one of the greatest spiritual landmarks of the time. La tromperie sera une des plus grandes, un des plus grands points tournants spirituels de ce temps. There will be a lot of deception. And where? In the church. Il va y avoir beaucoup de déception. Et où? Dans l'église. Alléluia. Alléluia. Deception will enter the church. That is the message really that is there. La déception va entrer dans l'église. C'est le message qui est là. That's what he's trying to emphasize. C'est ce qu'il essaye de mettre en relief. He's saying there will be a lot of lies in the church. Il dit, il va y avoir beaucoup de mensonges dans l'église. Many will come and say I'm the Christ. Beaucoup vont venir et dire « Je suis le Christ ». And then he says, make sure you are not deceived. Beaucoup vont venir et il dit « Soyez sûr que vous ne soyez pas trompés ». He was raising a red flag. Il était en train de lever un drapeau rouge. One of the key landmarks would be the great deception. Un des points tournants clés va être la grande déception that will enter the church. Qui entrera dans l'église. In other words, the Lord is talking about apostasy. En d'autres mots, le Seigneur parle à propos de l'apostasie. They're falling away from true faith. Ils se détournent de la vraie foi. Alléluia. Alléluia. And that means there will be a big wave of false prophets that would enter the church. Ça signifie qu'il va y avoir une grande vague de faux prophètes qui vont entrer dans l'église. And how will you know that they are false prophets? Et comment est-ce qu'on saura que ce sont de faux prophètes? We said very openly that there is no way someone is going to say he's a prophet of God called of the Lord God. Nous avons dit très ouvertement, ça ne peut pas arriver comme ça. Quelqu'un va être en train de dire qu'il est un prophète de Dieu, appelé du Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. And remember, it's only he that calls his prophets, right? Et souvenez-vous, c'est seulement lui qui s'appelle lui-même prophète. And tell you, look, I came from the Samuel school of prophets. Et qui vous disent, regarde, je suis venu de l'école de prophètes de Samuel. I was there for 5 years, now I'm a prophet. J'étais là-bas pour 5 ans et maintenant je suis un prophète. Isn't that blasphemy? Est-ce que ça n'est pas un blasphème? I came from the Elisha School of Prophets in America. Je suis venu de l'école de prophètes d'Élie en Amérique. They taught me to speak certain words. Thus saith the Lord. Ils m'ont dit de dire certaines paroles. C'est ça que le Seigneur dit. You see the big deception? Vous voyez la grande tromperie? That entered the church. It entered the priesthood first. Qui entre dans l'église, qui entre dans la prêtrise, premièrement. Only the Lord God himself calls his prophets. Seul le Seigneur Dieu appelle ses prophètes. Alléluia. Alléluia. And he calls them to serve Christ. Et il les appelle à servir Christ. And now you know that there is no way someone will come and say he's a prophet. Alors maintenant vous savez qu'il n'y a pas de manière de pour quelqu'un de s'appeler lui-même prophète. Except that he comes and rebukes sin. Sauf s'il vient et repousse le péché. There is no way he can be comfortable with sin if God speaks with him. You understand? Il n'y a pas de possibilité d'être confortable avec le péché si Dieu lui parle. At first I asked the Lord, why are you always showing me only bad things in the church? Premièrement, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi est-ce que tu me montres toujours seulement des mauvaises choses dans l'église? Until later I understood. Jusqu'à que plus tard je comprenne. That is what he was sending me to address. C'est pourquoi il m'avait envoyé pour parler de ces choses. There is no way God is going to be comfortable with sin. Every time he sends forth a word, he has seen something that needs correction. Il n'y a pas de manière pour Dieu d'être confortable avec le péché. Il envoie un mot. Il a vu quelque chose qui a besoin d'être corrigé. There is no way God is going to send a servant. Il n'y a pas de manière pour Dieu d'envoyer un serviteur. Who is going to build his own kingdom? Qui va commencer à construire son propre royaume. To lead people to himself. Pour amener les gens à lui-même. Every day in, day out, he's always going to point at the coming Messiah. Chaque jour, il est toujours en train de pointer sur la venue du Messie. The Lord says, make sure you're not deceived. Le Seigneur a dit, soyez sûr que vous ne soyez pas trompés. Only this truth can ensure that they are not deceived. Seule cette vérité peut assurer qu'ils ne soient pas déçus. You see that? Vous voyez ça? There is no way God is ever going to send a prophet that is not going to champion the holiness of the Lord in the church. Il n'y a pas de possibilité que Dieu envoie jamais un prophète qui ne va pas mettre en évidence la sainteté du Seigneur dans l'église. That is common knowledge. Ça, c'est une connaissance commune. Because the prophet is going to be the mirror image, the messenger of God. Parce que le prophète va être l'image miroir, le messager de Dieu. You see that? Vous voyez ça? And God is holy. Et Dieu est saint. He's separated from sin. Il est séparé du péché. They have come as prophets. Ils sont venus comme prophètes. They have slept with women in hotel rooms in Kenya here. Et ils dorment avec des femmes à l'hôtel avec au Kenya. The women came to me for prayers. Les femmes viennent à moi pour la prière. And the pastor took me to serve him in the hotel room. Et le pasteur me prend dans la chambre d'hôtel. They come to preach. Ils viennent pour prêcher. Then he's preaching about his shoes. Et il est en train de prêcher à propos de ses chaussures. Do you know how expensive my shoes are? Vous savez combien coûtent mes chaussures? Do you know where I bought this suit from? Vous savez d'où vient ce complet? In America. En Amérique. Look at my wife. Do you know how much it cost me per month to keep that hair? Regarde ma femme. Tu sais combien ça me coûte pour prendre soin de ses cheveux? The truth will have to set the church free right now. La vérité aura à rendre l'église libre juste maintenant. You understand? Vous comprenez? Let me tell you, this is the moment of truth. Laissez-moi vous le dire. C'est le moment de la vérité. My Bible is written in red. These are the words of Christ, the boss, Christ the King, the honorable Lord. You see that? He says, make sure you're not deceived. Seule la vérité vous gardera. Ce que Jésus a dit, ma Bible est écrite en rouge, ce sont les paroles de Christ, le patron, Christ le roi, le Seigneur honorable. Vous voyez ça? Il dit, soyez sûrs de ne pas être trompés. But in between verse 8 and 9, mais entre les versets 8 et 9 of Matthew 24 is hidden the rapture. De Matthieu 24 est caché l'enlèvement. Because that means parce que ça signifie the birth pain you are seeing, the floods you are seeing, les peines de l'enflottement que vous avez vues, les inondations que vous avez vues, the earthquakes you're seeing, les tremblements de terre que vous avez vus, the famine, the global famine that you're seeing, ça signifie les famines globales que vous avez vues. These are the beginnings of birth pain. Ce sont le commencement des douleurs de l'enfantement. And look at the way he's increasing it. Regardez à la manière dont il augmente cela. After I prophesy, it happens quickly. Après que je prophétise, cela arrive très vite. There is a sense of urgency here. Il y a un sentiment d'urgence ici. That's the first thing you pick from there. C'est la première chose que vous comprenez là. You begin to understand that God has shifted gears, moving faster. Vous commencez à comprendre que Dieu a changé les engrenages. Il bouge plus rapidement. But I'm so surprised the nations are not aware. Mais je suis si surpris que les nations ne soient pas au courant. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, précieux peuple. It is so important that you highlight this to the church. C'est si important que vous le mettiez en valeur à l'église. Let them not watch it as another news item. Ne laissez pas regarder cela comme un autre nouveau détail. Oh, now famine has come. Oh, maintenant, des famines viennent. Let me tell you. Laisse-moi vous dire. In a twinkling of an eye. En un clin d'œil. In a flash. En un flash. The rapture will take place. L'enlèvement va prendre place. Because he jumped from there and said, and you will be handed over to be persecuted. Parce qu'il saute de là et il a dit, vous serez persécutés, vous serez livrés au tourment et l'on vous fera mourir. That is the tribulation. Ça, c'est la tribulation. Isaiah chapter 26, I'm reading verses 19 to 21. He says, Esaïe chapitre 26, je suis en train de lire les versets 19 à 21. But your dead will live, their bodies will rise. Hallelujah. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. You who dwell in the dust, wake up and shout for joy. In the dust because they are asleep. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière parce qu'ils dorment. When Lazarus died, quand Lazare est mort, and they told him, Lord, but he has died. It's 4 days. That place is stinking now, it's smelling. Ils lui ont dit, mais Seigneur, il est mort depuis 4 jours. Cette place en peste, ça sent. He said, no, he is not dead. Il a dit, non, il n'est pas mort. He is asleep. Il dort. Alléluia. Alléluia. So those who are under the dust of the earth. Alors ceux qui sont dans la poussière de la terre. According to the Lord, they are not dead. Au point de vue du Seigneur, ils ne sont pas morts. They are asleep. Ils dorment. Because all of them must be woken up. Parce que tous vont se réveiller. But your dead will live. Their bodies will rise. You who dwell in the dust, wake up and shout for joy. Mais que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Why should they shout for joy? Pourquoi est-ce qu'ils devraient crier de joie? Look at the next subsection. Regardez la tranche suivante. He says, your dew is like the dew of the morning. The earth will give birth to her dead. Il dit, car ta rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera le jour aux morts. And he says, go, comma, my people, comma. Et il dit, va, virgule, mon peuple, virgule. Enter your rooms. I don't know which version you're reading, but I'm reading from NIV. Entre dans ta chambre. Je ne sais pas quelle version vous êtes en train de lire, mais moi je lis de la Nouvelle Internationale Version. NIV says, go, comma, my people, comma, enter your rooms and shut the doors behind you. Alors, la version française aussi dit, va, virgule, mon peuple, virgule, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. I'm talking about the door to rapture, okay? Je parle à propos de la porte de l'enlèvement. And he says, et il dit, hide yourself for a little while until his wrath has passed by. See, the Lord is coming out of his dwelling to punish the people of the earth for their sins. The earth will disclose the blood shed upon her, and she will conceal her slain no longer. You see that? Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée, car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. Vous voyez ça? I want to end there. Je vais en finir là. How does this relate to the door to rapture? En quoi ceci est-il en relation avec le jour de l'enlèvement? When the Lord showed this vision of the rapture to Isaiah, quand le Seigneur a montré cette vision de l'enlèvement à Ésaïe, it is amazing here, c'est étonnant ici that the Lord showed him que le Seigneur lui a montré the elect, les élus, the remnant church, l'église restante that was going to be taken away, qui va être enlevée through the door to rapture, à travers la porte de l'enlèvement. And the door would close. You see that? Et la porte sera fermée. Alléluia. Alléluia. And then, et ensuite, after that, the wrath of God would consume the four ends of the earth. Après cela, le courroux de Dieu va consumer les quatre coins de la terre. That is the tribulation. Ça, c'est la tribulation. And he says, et il dit, you who are sleeping in the dust of the earth, vous qui dormez dans la poussière de la terre, wake up. Réveillez-vous. Levántate in Spanish. Levántate en espagnol. Wake up. Réveillez-vous. And shout for joy. Why? Et tressaillez de joie. Pourquoi? Because your due has arrived. Parce que ta revue est arrivée. At first, when the Lord spoke with me about the door to rapture, en premier, quand le Seigneur a parlé avec moi de la porte de l'enlèvement, and he navigated me this scripture, et il m'a navigué à travers cette écriture, I did not understand. Je ne comprenais pas. Because I was looking at all the doors he has opened. Parce que j'étais en train de regarder à toutes les portes qu'il a ouvertes. When the rings were being lowered in the sky, he opened the door and the glory came out. Quand les anneaux ont été descendus dans le ciel, il a ouvert la porte et la gloire est venu. When the clock was being lowered, he opened the door and the glory came out, then the clock. Quand la pendule a été descendue, il a ouvert la porte et la gloire est sortie, ensuite la pendule. The temple of God opened the door, glory came out, and then I saw the temple. Le temple de Dieu, ouvert la porte, la gloire est venue et ensuite j'ai vu le temple. Every time he opened the door to heaven, chaque fois il a ouvert la porte des cieux, the glory comes out first. Et la gloire est venue premièrement. That's why Isaiah saw the same thing. C'est pourquoi Ésaïe a vu la même chose et il a dit, shout, wake up and shout, for your morning dew has come. That is the latter anointing of God. Crie, réveille-toi et tressaille de joie parce que ta rosée du matin est venue. Ça, c'est la dernière onction de Dieu. Alléluia. Alléluia. That is the Holy Spirit that comes in the latter anointing. Ça, c'est le Saint-Esprit qui vient dans la dernière onction. To purge the church. Pour purifier l'Église. To purify the church. Pour purifier l'Église. To cleanse sin from the church. Pour laver les péchés de l'Église. Because only the holy ones will enter. Parce que seuls les saints entreront. Only the radiant church. Seule l'église rayonnante. The glorious church will enter, by the way. L'église glorieuse va entrer de cette manière. By the way. De cette manière. By the way, he also says, only the church that is now righteous. Seule l'église qui est maintenant juste. By the way, he also says, she must be mature. De cette manière, elle doit être mature. Having grown to full stature. Telos. Ayant grandi dans une pleine stature. Telos. In Greek. En grec. Having grown to full maturity. Ayant grandi dans une pleine maturité. That means she has grown in the faith. Ça signifie qu'elle a grandi dans la foi. By the way, au fait, it is the holiness of the Lord that matures the church. C'est la sainteté du Seigneur qui rend l'Église mature. Yeah. Don't think you'll mature by the number of years you spend in church. Ne pensez pas que vous êtes mature par les nombres d'années que vous avez passées à l'Église. Don't think you'll mature in the number of churches or the number of people you have led to the Lord. Ne pensez pas que vous êtes mature par les nombres d'églises ou par le nombre de personnes que vous avez amenées au Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. I have led today, I have led 20 people, tomorrow I led 30 people, so I'm really maturing. J'ai conduit aujourd'hui 20 personnes, demain 30 personnes. Ah, je suis très mature. You are not maturing if you are not very careful. Tu n'es pas en train d'être mature si tu n'es pas très prudent. It is the holiness of God. C'est la sainteté de Dieu. Because the full stature he talks about. Parce que la pleine stature à propos de laquelle il parle. Is the reason the two wedding rings were very identical in that vision. C'est la raison pour laquelle les deux anneaux de noces étaient très identiques dans cette vision. Very similar. How can Jesus wear the same wedding ring like the church? Très similaire. Comment est-ce que Jésus peut porter le même anneau de noces que l'Église? That means the church has to measure up to the stature of Christ. Ça signifie que l'Église a à avoir la même mesure que la stature de Christ. The identity of Christ. Avoir l'identité de Christ. To the maturity of Christ. La maturité de Christ. To the holiness of Christ. De la sainteté de Christ. That's why the Bible says. C'est pourquoi la Bible dit. Just as he who called is holy. Juste comme celui qui vous appelle est saint. So be holy in all you do. Alors soyez saint dans tout ce que vous faites. The Bible also says. La Bible aussi dit. Until you attain the holiness. Jusqu'à ce que vous ayez atteint la sainteté. And the righteousness of God. Et la justice de Dieu. Alléluia. Alléluia. So when you see the glory of the Lord coming down in Kenya. Alors quand vous voyez la gloire de Dieu venir sur le Kenya. Alléluia. Alléluia. The rain began from Kakamega. La pluie a commencé depuis Kakamega. And it started raining. Et ça a commencé à pleuvoir. And a lot of rain of the Holy Spirit started coming down. Et beaucoup de pluie du Saint-Esprit est descendue. And the Lord spoke the release of the four glorious horses from here. Et le Seigneur a parlé de la libération des quatre glorieux chevaux de là. Which I have now revealed. Finally, allowed me to reveal the meaning of that. Qu'il m'a maintenant révélé. Finalement, il m'a permis de révéler la signification de cela. Talking about the four glorious gospels. Parlant à propos des quatre glorieux évangiles that are in the Bible, qui sont dans la Bible, telling the pastor that as you preach the Bible, disant au pasteur que quand il prêche la Bible, anchor yourself on the four glorious gospels. Ancrez-vous vous-même sur les quatre évangiles glorieux, as you preach the entire Bible, comme vous prêchez la Bible entière. Anchor yourself, you understand? Ancrez-vous, vous comprenez? Which means root your foundation. Qui signifie enraciner votre fondation. On the four glorious gospels. Sur les quatre glorieux évangiles. You see that? Vous voyez ça? And the word that cometh forth from your mouth will reach the four ends of the earth. Et la parole qui va venir sur vos lèvres va enrichir les quatre coins de la terre. You see that? Vous voyez ça? And will clean up the church. Et nettoiera l'église. Don't teach from other books. N'enseignez pas d'un autre livre. The church has been teaching on other books. L'Église a été enseignée par d'autres livres. The anointing for financial wealth. L'onction pour une santé financière. How to manage financial resources as a Christian. Comment diriger des ressources financières comme chrétien. How to live healthy as a Christian. Comment vivre sainement en tant que chrétien. The church has been teaching the gospel of the flesh. L'Église a été en train d'enseigner l'évangile de la chair. The world, earthly gospel. Le monde, un évangile terrestre. Outer court. De la cour extérieure. You know, there was the outer court and the inner court. Vous savez qu'il y avait une cour extérieure et une cour intérieure. In the outer court, there's a lot of rumors. Dans la cour extérieure, il y avait beaucoup de rumeurs. They don't hear directly from God. Ils n'entendent pas directement de Dieu. And yet the curtain ruptured. Et maintenant, le rideau est déchiré. And the Lord allowed us unwarranted, unlimited access into the Holy of Holies. Et le Seigneur nous a permis un accès gratuit et illimité dans le Saint des Saints. Alléluia. Alléluia. And so Jehovah is saying. Alors Jéhovah dit. That this door that he showed Isaiah. Que cette porte qu'il a montrée dans Ésaïe. Isaiah saw when the elect. Esaïe a vu quand les élus. Were rushing into this door. Étaient en train de courir à travers cette porte. And the shutting of the door. Et la fermeture de la porte. For the wrath of God to pass. Pour que la colère de Dieu puisse passer. This is the door to the rapture. Ça, c'est la porte de l'enlèvement. If you will catch this, you'll see the wedding of the Lamb of God. Si vous saisissez ça, vous pourrez entrer dans le mariage de l'agneau de Dieu. There is no way you can be preaching repentance. Il n'y a pas de manière de prêcher la repentance. Preaching you are in the ministry of repentance. Prêchant que vous êtes dans le ministère de la repentance. And then you miss the rapture. Et ensuite, manquez l'enlèvement. The rapture will not come as a church. We are going as a church. L'enlèvement ne va pas venir comme une église. Nous allons comme une église. Paul says, let us be careful, lest we preach this thing, And we ourselves miss out on this thing. Paul dit, soyons prudents, de peur que, ayant prêché ces choses, nous les manquions nous-mêmes. And it will be a shame. Et ce sera une honte. So it's very important to understand. Alors, c'est très important de comprendre that this dew that comes is the last anointing. Que cette rosée qui vient avec la dernière onction. You know, in fact, let me tell you. En fait, laissez-moi vous dire. At first, as the Lord was ministering to me on this. En premier, quand le Seigneur m'enseignait ceci. I thought the morning dew. Je pensais la rosée du matin. Was different from the midnight dew. Était différente de la rosée de minuit. You see that? Vous voyez ça? Because when the clock he showed me is 11:59 p.m. Parce que quand la pendule qu'il m'a montrée à 23h59, I thought, je pensais, this latter anointing, cette dernière onction, is going to be different from the morning dew, because Isaiah is saying the morning dew, va être différente de la rosée du matin, parce que Isaïe dit la rosée du matin. That takes them like this. Prenez-le comme ça. It is one and the same thing. C'est la même chose. Alléluia. Alléluia. Because parce que when it strikes midnight, parce que quand il frappe minuit, the morning has come. Le matin est venu. And the church has been taken. Et l'église a été prise. You see that? Vous voyez ça? So that is the glory, the Holy Spirit, you see, flowing in the church today. Alors, ça c'est la gloire, le Saint-Esprit affluent dans l'église aujourd'hui. The latter glory heals the church. La dernière onction guérit l'église. Delivers the church. Délivre l'église. There is no more rumors and lies about healing and deliverance. Il n'y a plus de rumeurs et de mensonges à propos de la guérison et la délivrance. Do you hear me? Vous m'entendez? He says, eyes have not seen. Il dit, les yeux n'ont pas vu. Ears have not heard. Les oreilles n'ont pas entendu. Alléluia. Alléluia. And he will anoint you. Et il va vous oindre. But that is the morning dew. Mais ça, c'est la rosée du matin. Don't use it for showbiz, Hollywood. Ne l'utilisez pas pour le show business, pour Hollywood. He will take it away from you. Il va prendre ça loin de vous. Don't use it, oh, look at how we are anointed these days. Ne l'utilisez pas en disant, oh, comme nous sommes loin aujourd'hui. Use it to prepare the church. Utilisez pour préparer l'église. To purify the wedding gown. Pour purifier la robe de mariée. So the church may be found without spot. Alors l'église peut être trouvée sans tache. Without stain. Sans salissure. Without blemish. Sans imperfection. Without any single tainting on the gown. Sans la plus simple contamination sur la robe. Without anything detestable. Sans aucune chose détestable. Without any defilement. Sans aucune souillure. Let the gown be pure. Que la robe soit pure. Holy. Sainte. Radiant. Rayonnante. Righteous. Juste. Let it be worthy of the calling as the royal bride. Soyons dignes de l'appel du royal époux. Royal bride. Du royal époux. Hmm? Into the king's house. Dans la maison du roi. You've been called as a bride into the king's house. Nous avons été appelés en tant qu'épouse dans la maison du roi. Hmm? It's not just a regular, you know, wedding. Ça n'est pas un mariage régulier. And it's a spiritual wedding. C'est un mariage spirituel. That's why he's saying no. C'est pourquoi il dit non. You cannot be preaching the latter anointing. Vous ne pouvez pas prêcher la dernière onction. When people are still demon possessed here. Quand les gens sont encore possédés par des démons ici. That would be a lie. Ça, ce sera un mensonge. They would have to be delivered. Ils auront à être délivrés. You see that? Vous voyez ça? They would have to be healed. Ils auront à être guéris. But he's looking for people that will understand this scripture here. Mais il est en train de chercher des gens qui veulent comprendre ceci. And know that the morning dew. Et connaissant cela, que la rosée du matin comes for the express purpose of preparing the church to enter through this door. Vient pour le but express de préparer l'église à entrer à travers cette porte. And when you enter through this door, it closes. Et quand vous entrez par cette porte, ça ferme. You see that? Vous voyez ça? Let me share a little bit here. Laissez-moi partager un peu ici. Finally, when John the Baptist stood here, finalement, quand Jean-Baptiste s'est tenu là, and then the mountain glory of the Lord was in front here, et ensuite, la montagne de gloire du Seigneur était là devant, and John the Baptist was beginning to talk to me about the coming of the Lamb of God that was going to come for the church. Et Jean-Baptiste était en train de commencer à me parler de la venue de l'agneau de Dieu qui va venir pour l'Église. The first thing I realized, la première chose que j'ai réalisée, is that his raiment became glorious. Son vêtement est devenu glorieux. So glorious that you cannot even wash in any laundry on earth. Tellement glorieux que vous ne pouvez pas laver aucune lessive sur la terre. No soap on earth can purify that white. Aucune lessive sur la terre purifiait ce blanc. Beaming like lightning. Radieux comme un éclair. Alléluia. Alléluia. And when I looked at myself, my raiment had become glorious too. Et quand j'ai regardé à moi-même, mes habits sont devenus aussi glorieux. My countenance, my features had changed. Mon visage, mes traits avaient changé. And I was shocked. Et j'étais choqué. Alléluia. Alléluia. It's time for the church to mature now. C'est le temps pour l'Église d'être mature maintenant. You see? Vous voyez? But after that, mais après ça, it was amazing. C'était surprenant. It was tremendously amazing to me. C'était énorme. C'était terrifiant pour moi. That the glory that came, que la gloire qui venait, before the Lamb was released, avant que l'agneau soit relâché, from the mighty glory where the Father was, de la puissante gloire où était le Père, before finally the Lamb came, avant finalement l'agneau est venu, the glory that came out, la gloire est sortie, turned my clothes to be radiant and his, rend mes habits glorieux et les siens aussi. I was so amazed. J'étais si surpris. There was no single spot you could hide. Il n'y avait pas une simple tache que vous pouvez cacher. Not knowing that that is what Isaiah saw. Sans savoir que c'était ce que Esaïe avait vu. Isaiah said. Esaïe a dit. He said, "Alleluia." Let me jump ahead of myself. Verse 22. Alléluia. Laissez-moi sauter au-dessus de moi-même. Le verset 22. And he says down there, the earth will disclose the blood shed on her, and she will no longer hide her slain. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Which means you will never hide anything again. Ce qui signifie, vous ne cacherez plus aucune chose encore. Alléluia. Alléluia. When that glory comes, quand cette gloire vient, no sin can be hidden again. Plus aucun péché ne peut être encore caché. Don't use it for running around. N'utilisez pas cela pour courir là autour. It is for revealing the sin in the church. C'est pour révéler le péché dans l'église. Purge it off. La purifier. Cleanse the church. Habiller l'église. Prepare the church. Préparez l'église. Alléluia. Alléluia. It is not for, oh, the glory has come. Ça n'est pas pour, oh, la gloire vient. When we go, the Holy Spirit comes and slays thousands of people. Quand nous allons, le Saint-Esprit vient et touche des milliers de gens. Cripples walk, what people are healed, what? Les infirmes marchent, les handicapés sont guéris. We love. Don't do that. Nous aimons ça. Ne le faites pas. That is the gospel of the flesh you see the evangelists are doing all over the world. Ça, c'est l'évangile de la chair que vous voyez faire les évangélistes tout autour du monde. That glory is for connecting the church to the kingdom of God. Cette gloire est pour connecter l'église avec le royaume de Dieu. All these works he will do. Tout ce travail, il veut le faire. But for the one and single purpose of preparing the church. Mais pour le un et seul but de préparer l'église. For the kingdom of God. Pour le royaume de Dieu. And how do you prepare? Et comment est-ce qu'on la prépare? When that comes, it unearths sin. Quand ça vient, ça met au jour le péché. You understand? Vous comprenez? Isaiah said, no more will the earth hide the blood shed upon her. La terre ne cachera plus le sang versé sur elle. Which means the evil that you ever did to the remnant church. Ce qui signifie que le mal que tu n'as jamais fait au restant de l'église, The evil that was ever done to those who have chosen holiness will be exposed. Le mal que vous n'avez jamais fait à ceux qui ont choisi la sainteté va être exposé. Alléluia. Alléluia. And he also says, et il dit aussi, even her slain will not be hidden, they will be disclosed. Même un crime ne sera pas caché, il va être exposé. She cannot hide anymore. Elle ne peut plus cacher. Any longer. Pas plus longtemps. That also talks about God will hold the earth to judgment. Ça parle aussi du fait que Dieu veut amener la terre au jugement. On the day of rapture. Au jour de l'enlèvement. Because the day of rapture, parce que le jour de l'enlèvement, he divides the earth into two populations. Il a divisé la terre en deux peuples. The raptured and the remained. Ceux qui sont enlevés et ceux qui restent. And if you remain, he says, et si vous restez, il dit, it will be so difficult. Ça va être si difficile. You cannot even preach Christ. Vous ne pouvez même plus prêcher Christ. Oh, I have seen a lot. Oh, j'ai vu beaucoup. I have seen the earth after the rapture. J'ai vu la terre après l'enlèvement. And the Lord says, when you try to preach Christ, you'll be beheaded. Et le Seigneur dit, si vous essayez de prêcher Christ, vous allez être décapité. And if you refuse to wear his mark, et si vous refusez de porter sa marque, God says he himself will send a spirit to confuse you to believe in. Dieu dit, lui-même va envoyer un esprit pour vous confondre et pour que vous le croyiez. That means you want to enter the rapture. Ça signifie que vous désirez entrer pour l'enlèvement. You want to make sure you're in the rapture. Vous désirez être sûr d'entrer dans l'enlèvement. Don't fool around the rapture. Ne joue pas avec l'enlèvement. That's why I wondered, why are the evangelists on earth not preaching the rapture? C'est pourquoi je me suis étonné. Pourquoi est-ce que les évangélistes sur la terre ne prêchent pas à propos de l'enlèvement? It was shocking to me. Ça me choquait. Why are they not preaching? Why are they not preparing the church? Pourquoi est-ce qu'ils ne prêchent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne préparent pas l'église? It forced me to write every DVD, and let me tell you. Ça me force à écrire tous les DVD. Et laissez-moi vous dire. We said we'll send these messages by DHL. On veut envoyer ce message par DHL. This One World Courier Service. C'est One World Courier Service, un service pour le monde entier. Like DHL. Et DHL. They hand them by hand and he signs. Il les apporte à la main et il signe. And we check on the internet. He signed himself, so we wash our hands. Alors nous avons contrôlé par internet et vu que il a signé lui-même, alors nous pouvons laver nos mains. You see that? Vous voyez ça? Every church leader on earth that we can reach. Chaque conducteur d'église que nous pouvons atteindre, we reach them. Nous les avons atteints. We don't care anymore now. Nous ne soucions plus maintenant. Because this is the most important message they should use to prepare the church. Parce que c'est le plus important message qu'ils devraient utiliser pour préparer l'église. The earth will never ever hide her sin as that glory comes. La terre ne voudra plus du tout cacher un péché quand cette gloire viendra. And that's what Isaiah saw. Et c'est ce que Esaïe a vu. But let me tell you something interesting. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'intéressant. Because down there, parce que là en bas, in verse 20, he says, au verset 20, il dit, go, comma, my people, comma. Va, virgule, mon peuple, virgule. You see that? Vous voyez ça? You see that? He's highlighting my people. Il souligne mon peuple. My people. Do you see that? Mon peuple. Vous voyez ça? That his people, for them, they should now go. Que son peuple, pour eux, ils doivent maintenant aller. Inside through this door. À l'intérieur, à travers cette porte. And then close the door behind themselves. Et ensuite, fermer la porte derrière eux. The rapture door that I'm talking about today. La porte de l'enlèvement dont je suis en train de parler aujourd'hui. So make sure. Alors, soyez sûr. Alléluia. Alléluia. Make sure that the rapture door closes you on the inside heaven path side. Alors, soyez sûr que la porte de l'enlèvement se ferme alors que vous êtes à l'intérieur des cieux, non pas à l'extérieur. You are closed on the inside of heaven, that side of inside heaven. Que vous soyez enfermé du côté intérieur des cieux et non pas à l'extérieur des cieux. Do you understand me? Vous me comprenez? Listen to this. There are two scriptures I want to handle here. Écoutez-moi. Il y a deux écritures que je voudrais expliquer ici. I want to go to Zechariah 13 very briefly. J'aimerais aller à Zacharie 13 très rapidement. So you may understand what he means by my people. Alors vous pouvez comprendre ce qu'il entend par mon peuple. Zechariah 13. Zacharie 13. You see that? Vous voyez ça? They're my people, he talks about. Il parle à propos de mon peuple. You see, verses 7. Le verset 7. To verse 9, Zechariah 13. Jusqu'au verset 9 de Zacharie 13. Why does he highlight go, comma, my people, comma? Pourquoi est-ce qu'il met en évidence va, virgule, mon peuple, virgule? And enter your rooms and shut the door behind you. Et entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Why does he emphasize my people? Pourquoi est-ce qu'il met en relief mon peuple? He puts a comma before and a comma after to bring it out. Il met une virgule avant et une virgule après pour le mettre en évidence. Listen to this. Écoutez ça. Awake, O sword, against my shepherd, against the man who is close to me, declares the Lord Almighty. He says, strike the shepherd, and the sheep will be scattered, and I'll turn my hand against the little ones. Épée, lève-toi sur mon berger et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel, des armées. Frappe le berger et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. Verse 8, now he's beginning to define what he means by my people, when God says my people. Maintenant, il commence par définir ce qu'il entend par mon peuple, quand Dieu dit mon peuple. He says, in the whole land, declares the Lord, two-thirds will be struck down and perish, yet one-third will be left in it. Do you hear me? Il dit, dans tout le pays, dit l'Éternel, les deux tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Vous m'entendez? Two-thirds will be struck down and perish. One-third will be left. You see, already he has pulled up one-third. Deux tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Vous voyez, il garde un tiers. He's talking about the remnant. Il parle à propos du restant. Alléluia. Alléluia. Look at what he does with one-third. Regardez ce qu'il fait avec un tiers. He says, this third I'll bring into the fire and refine them like silver and test them like gold. They will call on my name and I'll answer them. I will say, they are my people. You see my people there. Il dit, ce tiers, je le mettrai dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Vous voyez mon peuple ici. And they will say, the Lord, he is our God. Et ils veulent dire, et ils diront, l'Éternel est mon Dieu. So that means, ça signifie, when God said my people, quand Dieu a dit mon peuple, defining the true identity of the rapture church, définissant la vraie identité de l'église de l'enlèvement, he meant the remnant that will step out, il pensait le restant qui va sortir. Alléluia. Alléluia. They will say just a moment. Ils diront juste un moment. There has to be an end to this joke in the church. Il doit y avoir une fin pour cette plaisanterie dans l'église. Do you understand? Vous comprenez? There has to be an end to this comedy in the church. Il doit y avoir une fin pour cette comédie dans l'église. There has to be an end to this sexual sin and the love of money in this church. Il doit y avoir une fin pour ce péché sexuel et cet amour de l'argent dans l'église. If it is true that God says time is out, si c'est vrai que Dieu a dit le temps est fini, I remember the commission. Je me souviens la mission. The commission was that go into the dark world. La mission était ça, aller dans le monde sombre. And win souls for Christ. Et gagner des âmes pour Christ. You see that? Vous voyez ça? And not just sitting. Et non pas juste s'asseoir. And eating, eating, eating, eating. Eating what? Milk. Et manger, manger, manger. Manger quoi? Du lait. Do you understand? Vous comprenez? All the time milk. Toujours du lait. Milk. Du lait. Milk. Du lait. And the church. Et l'église. Is perpetually. Et l'église est perpétuellement. Continuously. Continuellement. Constantly. Constamment. On a daily basis. Dans la base quotidienne. An infant church. D'une église infantile. He is not coming for an infant church. Il ne vient pas pour une église infantile. Mature church. Il veut une église mature. He says, that church that has risen to the full stature of maturity. Cette église qui a grandi dans une pleine stature de maturité. In fact, he uses the word mature. En fait, il use le mot mature. You see that? Vous voyez ça? In Greek, telos. En grec, telos. Means grown to full height. Qui signifie qu'il a cru dans sa taille complète. Until you've reached it now, you know? Jusqu'à ce que vous l'ayez atteint maintenant. So he's telling the church, step out. Alors il dit à l'église, sors. And evangelize, get out of the four corners of the walls. Sors des quatre coins des murs. Get out. Sors. As long as you are there. Aussi longtemps que tu es là. They will be lying to you. Ils veulent te mentir. Deception will be there. La tromperie sera là. As long as you are sitting in those pastors' conferences. Aussi longtemps que vous êtes assis à cette conférence de pasteurs. You are sitting there. Vous êtes assis là. They will always invite a guest speaker coming from America, from Britain, from Australia. Ils veulent toujours inviter des conférenciers de l'Amérique, de la Grande-Bretagne ou d'Australie. Who has brought us some money for lunch? Qui nous ont apporté quelques argent pour le repas. There is some lunch being cooked here because we have a guest speaker. Nous avons quelques repas ici qui est en train de cuire parce que nous avons conférencier invité. And when he comes, he will always give you the false prophecies. Et quand il vient, il va toujours vous donner de fausses prophéties. You will always be infant as a pastor. Vous serez toujours un enfant comme pasteur. Do you understand me? Vous me comprenez? But when you step out, mais quand vous sortez, you go to the marketplace. Vous allez sur la place du marché. Marketplace. La place du marché. Stand at the door. Vous venez, tenez debout à la porte. Begin to preach the coming of the kingdom of God. Vous commencez à prêcher la venue du royaume de Dieu. Begin to preach the return to holiness and righteousness. Vous commencez à prêcher la repentance de la, à la sainteté, la justice. Begin to preach the cross, the blood and the cross at Calvary. Vous commencez à prêcher la croix et le sang du calvaire. Begin to preach the salvation of our Lord Jesus. Commencez à prêcher le salut de notre Seigneur Jésus. You will mature. Vous allez grandir, être mature. Alléluia. Alléluia. When that glory comes, quand cette gloire vient, no sin can be hidden again. Plus aucun péché ne peut être encore caché. Don't use it for running around. N'utilisez pas cela pour courir là autour. It is for revealing the sin in the church. C'est pour révéler le péché dans l'église. Purge it off, cleanse the church, prepare the church. La purifier, habiller l'église, préparer l'église. Alléluia. Alléluia.